soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la suite pour lui pâté de maison comme un vieux livre c'est tous les personnages. Après 3 semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guaira, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce jeudi 28 novembre 2024, dernier magazine programme de cette semaine et de ce mois de novembre d'ailleurs. Des mots des sons sensibles à l'actualité politique, sociale et culturelle avec un programme plutôt chargé en ce jour de belles propositions. 3 sujets à l'ordre du jour, alors autant vous accrocher pour l'heure qui va suivre où nous allons parler en vrac et bien de culture avec une rencontre auprès d'un groupe franco-brésilien Technobras que nous avons rencontré sur le Forestival 2024 cet été, alors que le festival vient d'annoncer à la fois son visuel, offre d'emploi et pré-programmation ou presque, l'occasion de faire un petit focus sur le Forêt Trelin et cet événement. On sera pas très loin à nouveau pour l'autre sujet à l'ordre du jour où il s'agira de parler eh bien, de biodiversité, de milieu naturel et d'eau, avec un petit retour sur le forum Partageau, forum départemental qui s'est tenu le 16 novembre dernier du côté de Saint-Galmy avec le collectif Partageau qui a relancé une deuxième édition d'un forum pour questionner les usages de l'eau, la répartition des usages de l'eau et bien de la question du partage, bien entendu, de cette ressource essentielle. Vous entendrez le coordinateur biodiversité milieu naturel de Loire-Forêt Agglomération, Fred Marteil. Et puis enfin, un troisième mes derniers sujets à l'ordre du jour, nous allons parler politique, mais pas que politique et théâtre, avec cet événement qui va se dérouler cette fin de semaine, c'est 29 et 30 novembre à l'initiative du théâtre Le Verso, un lieu qui déplace les bornes, vous le savez, borgne ou amputation, justement 5 mains coupées, c'est un ouvrage de l'autrice Sophie Divry qui a donné lieu à ateliers d'écriture et qui donnera lieu à rencontres, partages, spectacles participatifs et projections de films. Cette fin de semaine, un cortège à Saint-François. On retrouvera Marion Valère, chargée de communication que nous avions reçue il y a quelques semaines de cela pour nous parler rapidement de cet événement. Voilà l'essentiel menu contenu de ce programme aujourd'hui. Quelques autres infos complémentaires à vous faire part, en forme d'agenda également assez fourni à vous communiquer. Des mots des sons sensibles s'ouvrent en musique, comme à notre habitude, avec nos découvertes partenariats Ferrarock cette semaine. 2 propositions comme habitude en présentation, diffusion et programmation. Et on va s'arrêter à nouveau sur cet album et cet artiste que je vous ai déjà présenté en début de semaine. Il s'agit de Garciaphone. Garciaphone, c'est le projet du brillantissime songwriter auvergnat. Il est donc issu de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Olivier Pérez, plus connu donc sous cet alias Garciaphone, qui nous enchante avec ses albums pop-folk. Et j'aime bien la petite définition parfois donnée, très délicatement, do it yourself. Et oui, do it yourself délicatement avec Olivier Pérez et ce Garciaphone. Il est passé par les labels Talitre, Koutou Folk et désormais via le label Microculture. Il est de retour avec un album qui est sorti ce début de mois de novembre, c'était le 8 novembre dernier, via donc le label Microculture distribué par l'autre distribution. C'est son 3e album, Ghost Fire. Alors, on apprécie et j'apprécie particulièrement cet artiste qui qui nous revient donc après 7 ans de silence. Un nouvel album, lui, qui est très, multi-cartes, finalement, plusieurs cordes à son arc entre pratique plastique, dessin, musicien. Bien sûr, il a tourné avec le groupe new-yorkais Elysian Fields. Et le voilà de retour, convoquant toujours ces artistes très 90s. Et oui, voilà qui n'est pas sans me déplaire. À la fois ces artistes indés 90, mais bien sûr convoqués aussi au travers de ces chansons. 10 chansons pour ce nouvel album, dans une ambiance très folk. On pense bien sûr à Elliott Smith, Nick Drake ou encore Tim Hardin. Bref, c'est un album assez resserré, efficace en environ une trentaine de minutes. Il n'est pas seul, il sévit aussi avec d'autres musiciens pour une orchestration très subtile. Parmi les fidèles Zachary Boisseau et Clément Chevrier, qu'on a connu au sein du Vœu de la Nao Orchestra, ou encore Mock, qui lui a pu travailler avec les projets Midget ou encore Cheval Rex. Voilà, je vous propose de découvrir Garcia Phone, issu de ce troisième album Ghost Fire. J'extrais le titre le plus aller rythmer, enjouer, lui qui est d'ailleurs à l'origine batteur. Voilà, alors forcément, c'est aussi une référence qui nous vient à l'esprit, Robert Wyatt pour exemple. Bref, je vous propose de découvrir la quatrième plage intitulée Weathercock. C'est Garcia Phone, des mots, des sons sensibles. C'est parti. Set up a convention, a place for small talk. The world would know that you come and bring direction. We all agreed on that. Go where the colors go, go where the wind goes. Voilà pour cet extrait de Ghost Fire de Garcia Phone. L'album est paru le 8 novembre dernier, aux arrangements comme ça sur mesure et plus riche qu'à l'accoutumée. Violon, sitar, saz, bouzouki qui tapisse discrètement ses compositions. Garcia Phone, Olivier Pérez pour ce nouvel album. En découverte et partenariat Ferrarock cette semaine. L'album est sorti le 8 novembre, je le disais, via tout simplement Microculture, le label, est distribué par l'autre distribution. Vous en saurez davantage en vous rendant sur le site dédié ferrarock.org et en écoutant ce Dig Dig Diggers de cette fin de semaine. Ce sera bien sûr ce vendredi 12h-19h et lundi en matinale 8h sur le 895 de Dio, avec une interview de Garcia Phone et Olivier Pérez réalisée par Bob FM. Vous retrouverez l'autre partenariat cette semaine auprès de du quatuor Dead Chic, réalisé par Radioactive. Et puis vous retrouverez un petit troisième module spécial consacré au festival Motocultor, réalisé par Radio Pulse, autre radio de notre réseau, hein, de la Fédération des radios rock de France, avec Opeth, Sonata Arctica et Exodus, donc réalisé au Motocultor dernier. Voilà pour le menu programme de ce Dig Dig Diggers de ce vendredi. Et puis l'affaire Arock, c'est encore d'autres actualités très prochaines. Vous savez que début décembre est marqué par le grand festival rennais, ou les festivals rennais, Transmusical de Rennes et Bar en Trance. Et l'affaire Arock sera bien sûr en direct à nouveau de ces Bar en Trance et en itinérance, s'il vous plaît. Un plateau qui sera organisé du 5 au 7 décembre avec justement les radios cousines et copines Canal B, Radioactive, Radio Omega, Radio Béton, Fréquence Mutine, Westrack, PFM, JTFM qui seront sur place pour animer ces émissions et ces plateaux du 5 au 7 décembre de 16 à 19h en direct et à suivre bien sûr via les www.ferrarock.org. Dans le mag de ce mardi, des mots des sons sensibles étaient consacrés au conseil municipal de Saint-Étienne. Eh bien, une actualité que je vous avais transmise par ailleurs, en complément, puisque de municipal et d'élections municipales, il est question au travers de ce rendez-vous. Vous savez que les élections sont attendues d'ici un an et demi, deux ans. Hein, ce sera en 2026 et c'est constitué à Saint-Étienne, Saint-Étienne populaire, après des mois de réflexion et de travail. Plusieurs réunions publiques, eh bien Saint-Étienne populaire a vu officiellement le jour, un mouvement ancré à gauche qui partage une vision commune de Saint-Étienne et propose une solution politique pour les élections municipales qui sont attendues en 2026. Un mouvement de gauche de rupture qui partage une vision commune à Saint-Étienne ou de Saint-Étienne, une ville ouvrière, résistante et enrichie par ses migrations, cosmopolite donc, où solidarité, partage, lutte et résilience sont des valeurs fondamentales. Saint-Étienne, selon le collectif, a trop souvent été dirigé par des majorités de droite ou du centre et face à la faillite morale et politique de l'administration actuelle de Gaël Perdriau, le collectif voit une opportunité unique pour une transformation véritable, gratuité des transports publics par exemple, ou encore soutien réel aux amicales et associations, tourner les forces vers le centre-ville et non pas vers les grands projets inutiles, bref, diverses propositions qui ont déjà été partagées lors d'un premier rendez-vous, une assemblée générale qui avait eu lieu début septembre dernier, et voilà qu'un nouveau rendez-vous est proposé pour à nouveau mettre en place ce projet qui donc est attendu pour ce rendez-vous ce 30 novembre. Ce sera à 14h à la Michaelaïque Chaplon, donc à un an et demi des municipales, l'idée et l'intention étant de se structurer et de passer à l'action. Alors à partir de 14h, accueil, présentation dans la foulée de ce mouvement Saint-Étienne populaire et du programme de la journée avec eh bien, présentation notamment des pôles qui vont animer l'après-midi sous forme en quelque sorte d'ateliers, le pôle garantie, pôle communication, pôle action et vie militante, pôle relation ou pôle coordination. Voilà pour le programme attendu donc à l'Amicalaïque Chaplon ce 30 novembre à partir de 14h. De politique locale et municipale, à nouveau à l'ordre du jour et sur le 895 de Dio. Alors c'est le cas bien sûr régulièrement au travers de ce programme des mots des sons sensibles, mais au travers aussi de notre grille et de nos émissions spécialisées, thématiques et bénévoles. Et autant vous annoncer l'arrivée, entrée d'une nouvelle émission qui rejoint la grille du 895 de Dio. Grand plaisir d'accueillir les démineuses de fausses pubs et des vraies infos. C'est une heure en effet consacrée au local, sans pression, sans prétention, comme elle le présente elle-même, parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce qu'on peut tromper une fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois une personne, parce que haut et un bon. Les démineuses choisissent l'humour comme moyen de résister à l'absurdité de ce monde. Leur domaine de prédilection, l'actualité et la politique locale. Et autant vous dire que le conseil municipal ou l'actualité municipale sera à l'ordre du jour. Ça se passe pour les démineuses le 4e jeudi de chaque mois à 22h, et ça dure donc une heure. Et la toute première aura lieu justement en ce quatrième jeudi de novembre. Et oui, c'est l'entrée plongée dans le grand bain du 895 de Dio ce 28 novembre, ce soir à 22h, première de cette émission info satirique Les Démineuses, à suivre sur Dio. Actualité, agenda, infos, données également sur le site participatif collaboratif, le numéro 0 auquel je vous renvoie bien sûr, numéro0.info pour davantage de rendez-vous détaillés, de dossiers et autres articles. Veillez pacifique pour la Palestine et le Liban. Vous vous demandez parfois ce que vous feriez pour empêcher un génocide. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment même. Vous êtes scandalisé par les massacres en Palestine et au Liban. Rappelez-vous vos cours d'histoire quand vous vous demandiez mais comment les gens ont-ils pu laisser faire. Maintenant, vous savez, faites au moins une fois quelque chose pour que vous ne soyez pas obligé de vivre en sachant que vous avez laissé faire. C'est l'intention de ce rendez-vous, rappelé ainsi au sein de cet article et de cet appel, une veillée pacifique pour la Palestine et le Liban. Ça se passera cette fin de semaine, c'est ce vendredi 29 novembre et ce sera à 18h, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne. Le rassemblement est déclaré et donc sans aucun risque. Il s'agit aussi de venir avec bougies et drapeaux et c'est à l'initiative du comité de soutien au peuple palestinien BDS Saint-Étienne. Un autre rendez-vous rappelé sur ce site participatif et collaboratif. Un rendez-vous qui aura lieu ce dimanche 1er décembre. On l'a annoncé également ce début de semaine dans le cadre notamment de ce 25 novembre, journée mondiale de lutte contre les violences à l'égard des femmes et minorités de genre. Voilà qui est tout à fait en lien avec ce rendez-vous et ce spectacle notamment. Le spectacle est intitulé « Trou » de la compagnie Mathilde Payette Ultranix. Ce sera suivi d'une discussion libre avec précisément Mathilde Payette et quatre invités. Quelle écoute des victimes d'agressions sexuelles ? Comment prendre en compte leurs besoins ? Voilà les questions posées auxquelles tenteront donc de répondre ces différentes intervenantes, Mathilde Payette, et puis d'autres personnes agissant autour de la justice et de la santé à Saint-Étienne. Catherine Lanry de l'association Espace, accompagnement de victimes de violences sexuelles et prévention des abus sexuels. Chloé Aubert du groupe Femmes Libres de la CNT, qui propose aussi un espace d'écoute, d'accueil et d'accompagnement face aux violences patriarcales. Marie-Béatrice Burnel du SPIP, du centre de détention de Rouen, qui est animatrice en justice restaurative. Et Val Giranton, qui est fondatrice de Gidiop, la structure de lutte contre le sexisme ou prévention en milieu festif et musical. Et puis bien sûr, l'occasion de partager questions et autres retours d'expérience du public. Pour ce temps d'échange, ce sera à partir de 19h. Le spectacle est à 17h. L'ouverture des portes à 16h. Et ça se passe à l'Ami laïque de Côte-Chaude ce dimanche 1er décembre à partir de 17h, comme je le disais, 16h30 pour l'accueil, et c'est à prix libre d'ailleurs pour ce rendez-vous. On en profite pour faire transition avec une autre actualité où il s'agit précisément de mettre les femmes à l'honneur et notamment les artistes féminines avec une toute nouvelle association stéphanoise. Ce sera la naissance d'Ondulé, une nouvelle asso qui souhaite soutenir et mettre en valeur les musiciennes et plus largement les femmes artistes en les plaçant au cœur des événements culturels qu'elles organisent. L'association a également pour objet la démocratisation de la pratique artistique en proposant des ateliers, des rencontres, des activités de médiation et donc rien de tel qu'une fête de naissance pour se lancer dans cette nouvelle aventure. Il y aura un temps de présentation et de discussion, alors de l'association, mais aussi discussion sur la place des femmes dans la culture, qui sera introduite par Agathe Rocher, qui est doctorante en sociologie à l'université Jean Monnet, spécialiste de ces questions finalement de genre et art et genre finalement, qu'on avait aussi ici accueilli sur le 895 de Dio pour un séminaire portant précisément sur ces questions. Agathe Rocher qui va d'ailleurs poursuivre la réflexion sur les ondes avec une prochaine émission qu'elle devrait animer à partir de début d'année 2025. En tout cas, elle sera présente pour ce rendez-vous à 18h30 ce samedi 30 novembre avant des performances, surprises et concerts, en présence notamment pour les prestations de Mélia Bey, chanson pop française locale, et une autre autre artiste qui sévit également un peu dans ce même registre de chansons étranges ou de solo synthwave comme il se catégorise. Il s'agit de Mathilde Nègre. Voilà pour ce rendez-vous, naissance de Ondulé, cette nouvelle asso locale, ce samedi à partir de 18h30, et ça se passera dans une autre amicale laïque locale, l'amicale laïque du Cred Rock. Ce sera précisément à la Cale, qui est située 16 rue Royer à Saint-Étienne. L'entrée y est à prix libre également. On en profite pour justement, et vous en donner une petite idée, d'un titre de Mathilde Nègre, version live d'ailleurs, enregistré au Brise-Glace, il y a quelques mois de cela. C'est le titre « Oh mon chéri plus vieux ». Mathilde Nègre, et qui sera en concert donc à la Cale ce samedi. Le mouvement des Gilets jaunes, on l'a suivi de très loin au départ, alors que pourtant on n'était pas les dernières à s'indigner de la violence d'État, du classisme, de la non-redistribution, du saccage du service public, des violences policières, de la fraude fiscale généralisée, de l'augmentation des inégalités dans notre pays. Et puis, il y a eu la réponse de notre gouvernement. Les images, les sons, la violence, la vraie, bien sourde, bien lourde, implacable. C'était insoutenable de voir comment le gouvernement traitait son peuple. Pour nous, aujourd'hui, monter cinq mains coupées au théâtre, c'est raconter l'histoire de ces cinq personnes mutilées et traumatisées à vie. C'est raconter le courage, la force, mais aussi le désespoir d'une population. Cinq mains coupées est une archive militante qui nous a réveillés et nous a rassemblés dans notre révolte et notre envie d'agir. Depuis 2022, nous avons multiplié les résidences et étapes de travail publiques et participatives et la création officielle du spectacle qui a eu lieu cet automne 2024 à Lyon et à Saint-Étienne. Dès le mois de septembre, il y a eu des ateliers dans les deux villes pour créer un cœur citoyen qui prendra en charge ce texte avec ses compagnies. À Saint-Étienne, le spectacle sera accueilli cette fin de semaine, c'est 29 et 30 novembre. Quatre structures différentes qui portent ce projet pour ce spectacle qui vise à dénoncer les violences d'État, mais aussi redire la force et la puissance du collectif. Le collectif

eh bien, ce que l'on vient de vivre à Saint-Étienne, tragiquement, et tout récemment cette semaine. C'est Not in My Name, c'est les Budshakers qui dénoncent aussi les crimes policiers et violences policières au travers de ce titre. Les Budshakers seront en concert, salle ou centre culturel L'Échappée à Sorbier, ce vendredi 29 à partir de 20h30. Pour ceux des places vous attendent, ça se passe tout de suite au 04 77 25 05 94. Et oui, ça c'est les Budshakers, très efficaces dans ce registre soul, groove, rock. Ils avaient sorti ce Not In My Name au sein de leur dernier album en date, Arcadia. Et d'ailleurs, Budshakers sont de retour, donc centre culturel L'Échappée à Sorbier, voilà, là en périphérie stéphanoise, après les avoir vus il y a déjà quelques temps du côté du Rhino Jazz pour exemple. Ils ont depuis cet album sorti un nouvel EP, c'était en avril dernier, Cold World. Alors l'ambiance sombre et très cuivrée, mais vraiment soul lourde et contagieuse à la Stax, véritablement très réussie. Vous avez toutes les infos thebudshakers.com et on vous rappelle les invitations duo pour assister à ce concert de ce vendredi soir pour cette formation rock, des cuivres sur scène et surtout la présence et voix de Ciara Thompson, leader charismatique de cette formation. On laisse les Budshakers de côté pour peut-être d'autres rendez-vous concerts attendus cette fin de semaine. Allez, on vous annonce aussi à la Gueule Noire, l'espace autogéré. Eh bien, cette soirée concert qui est proposée par l'asso collectif Alignement Désastre, dans un registre un peu à la fois noisy, XP, Meryl Amp, Terrine, Grand Vémont, Pièce Varnec, si je prononce à peu près correctement. Voilà, tout ça se passe à la Gueule Noire ce samedi 30 novembre à partir de 20h. Et puis, puisque nous sommes dans l'actualité culturelle, autant vous annoncer aussi quelques autres petits rendez-vous avec, pour exemple, le spectacle Contact de la compagnie Puéril Péril Cirque. 6 acrobates sans filet ni accessoires pour un moment suspendu où la gravité est mise à l'épreuve. Il s'agit de à la fois aborder les questions de confiance mutuelle, de sincérité et puis d'autres envolées vertigineuses au sein de ce spectacle en collaboration avec le Festival des Sept Collines, donc pour un temps hors festival, hors estival et en collaboration, partenariat avec le Centre Culturel de la Ricamari. Ce spectacle sera joué ce soir, ce jeudi 28 novembre, attention si vous chopez la rediff, c'est à partir de 20h au Centre Culturel de la Ricamari. Et puis un temps culture également avec cet événement BD qui va avoir lieu cette fin de semaine. J'essaye de retrouver mes petites notes. C'est le festival BD Art, en effet, qui va se dérouler à Rive-de-Gier ce week-end. Et oui, ne manquez pas cette édition 2024. L'occasion aussi d'un hommage à la BD, elle qui était venue il y a 20 ans de cela exactement, que on avait peut-être pu, pour certaines d'entre vous, recroiser il y a quelques semaines au Festival BD d'Ambierle, bande dessinée dans le nord du département. C'est Bernadette Després qui vient de décéder, l'auteur de Tom Tom et Nana, voilà, qui a bercé l'enfance de nombreux petits Français et petites Françaises. En tout cas, la BD sera à l'honneur pour ce Festival BD Art, 26e édition, qui se déroule ce week-end avec à la fois des ateliers, des auteurs, autrices présents. Bref, il y a vraiment de la BD dans tous les sens. pour cette 26e édition. Ça se passe à Rives-de-Gier, c'est 30 novembre et 1er décembre. Ne manquez pas ce rendez-vous. Allez, on en profite pour aborder notre deuxième sujet aujourd'hui avec... dans ces mots et sont sensibles la question de l'eau que nous allons aborder. En effet, le forum départemental Partage Eau se tenait le 16 novembre dernier. L'eau, un bien commun et un sujet citoyen au cœur de ce programme et de ce collectif Partage Eau mis en place il y a déjà quelques temps, un projet de participation citoyenne sur la question de l'usage de l'eau et de son partage dans le département. Ce sont des habitants du territoire qui ont décidé de se lancer dans ce projet et qui sont à l'organisation, co-organisation de ce forum départemental. Deuxième édition après celui de 2023, voici et ce forum départemental Partage Eau qui s'est tenu à Saint-Galmier le 16 novembre dernier pour aborder ces questions-là. Alors justement, le collectif Partage Eau, au-delà d'un forum départemental, mène plusieurs actions d'information, de sensibilisation, d'échange, de réflexion, d'ateliers. Ce sera le cas avec le lancement pour cette saison 2024-2025 d'un temps prévu précisément ce samedi 30 novembre. Pour aborder les fondamentaux sur la gestion de l'eau, on en reparle juste après, un petit retour justement sur ce forum Partage Eau, forum départemental, avec, je le disais, des dizaines de personnes qui étaient présentes, des experts, mais aussi des habitants engagés sur ces questions, des élus, des associations environnementales. Je vous propose un petit témoignage justement avec Frédéric Marteil, qui est coordinateur biodiversité milieu naturel à Loire-Forêt Agglomération. L'occasion d'aborder sa mission, d'avoir son petit retour sur quelques temps justement passés sur ce forum départemental du 16 novembre dernier et d'aborder aussi les enjeux sur son secteur du forêt et vous allez entendre sur le bassin versant du Lignon, rivière concernée. C'est d'ici un instant sur Duo. Bonjour, je suis Fred Marteil, je suis coordinateur biodiversité milieu naturel à Loire-Forêt Agglomération et je travaille sur le bassin versant du Lignon du Forêt, un bassin versant qui pourrait être un des sanctuaires de demain en termes de ressources en eau et surtout de sanctuaires pour la biodiversité et le milieu naturel. Alors on est aujourd'hui sur ce forum départemental Partage Eau, juste ton attente vis-à-vis aussi d'un forum tel que celui-ci? Alors je suis présent d'une part au titre de citoyen, puisque c'est un sujet qui m'intéresse, et puis également au titre de ma fonction de coordinateur biodiversité milieu naturel, puisque l'eau est un élément essentiel dans nos grands cycles vitaux. Et donc je trouve l'initiative menée par les différentes associations et le soutien qu'elles peuvent avoir par les collectivités intéressant pour que le sujet de l'eau soit un sujet partagé. Et donc le Partage Eau, je trouve que c'est le bon nom pour ce forum. Avec, alors quel constat, puisque c'est aussi avant tout sur des constats aussi que repose dans un premier temps ce travail finalement, ce chantier qui a été entamé de réflexion autour de cette question des usages, mais quel constat par exemple tu pourrais faire sur ce bassin versant sur lequel tu interviens en premier lieu, quels en seraient un petit peu l'état des lieux? Alors le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a des équilibres à maintenir, des déséquilibres à éviter et des déséquilibres à restaurer, afin d'une part de satisfaire les usages. Et chaque usage dépend des autres usages. Donc il y a vraiment à trouver les solutions qui vont vers des consensus qui permettent à terme de pouvoir satisfaire dans les meilleures conditions les différents usages. Si on est trop strict sur certains, on démunira d'autres usages et les équilibres seront rompus. Donc c'est un véritable enjeu de société. Ouais. Suite à ce qui a pu être présenté ce matin, par exemple, qu'est-ce que tu retiendrais? Qu'est-ce qui peut-être t'a marqué l'esprit? Alors le témoignage du syndicat des eaux de Basse-Ardèche m'a bien interpellé car je trouve l'approche intéressante, partant du constat qu'on a besoin de l'eau de la Loire pour l'emmener en Ardèche, pour alimenter des populations et satisfaire des usages, dans une région où le président nous a rappelé qu'il y a un tiers de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc déjà, on est dans le partage et dans la solidarité. Donc ça remet en perspective le fait qu'on prend un endroit pour alimenter un autre. Il y a aussi des raisons et des fondements. Premier témoignage qui m'a bien interpellé. Le deuxième, c'est la présentation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et notamment l'état des lieux. Dans le cadre de l'étude hydrologie, milieu, usage, climat, qui dresse des constats quand même pas très réjouissants et sur lesquels il va falloir que les gens se mettent vraiment autour de la table et avancent vers des objectifs communs. Alors précisément dans ce temps-là de présentation de cette étude, est-ce que vous êtes associé par exemple dans ce plan territorial en tant que collectivité aussi pour participer à la réflexion et précisément à essayer de dessiner des possibles pour les années voire décennies à venir? Donc la collectivité est pleinement associée, représentée à la fois par des élus et par les services, travaille et collabore à l'élaboration de ce plan territorial de gestion des eaux. Oui, tout à fait, c'est important. Et on ne peut pas se contenter de ne réfléchir qu'à une petite échelle administrative, une entité administrative. On a besoin sur un bassin versant comme le bassin Loire-Bretagne, de réfléchir depuis l'amont jusqu'à l'aval, donc en gros du Mont-Gerbier-de-Jonc jusqu'à Nantes. On ne peut pas se cloisonner dans nos périmètres administratifs. On est obligé d'avoir un regard beaucoup plus large. Oui. Était évoqué l'Ardèche et Sud-Ardèche aussi dans un de ces temps de présentation ce matin, avec dans cette perspective l'idée que d'ici quelques décennies, en tout cas c'est très proche, on serait un petit peu dans la même configuration finalement, en tout cas en termes climatiques et météorologiques. Donc voilà, qui inquiète aussi. Comment toi tu apprécies un petit peu aussi justement cette perspective là qui a été peut-être dans un registre la plus tragique, la plus pessimiste possible? Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est, ça a été dit d'ailleurs ce matin, c'est l'anticipation, pas l'anticipation réactive. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vue à plus long terme, mais être en capacité de s'adapter à des choses qui peuvent aller très très vite, et parfois plus vite que la pensée de l'homme. Et c'est bien là la difficulté. C'est d'avoir cette vision qui permet de dire, on peut aller au pire. Comment faire pour éviter le pire? Je ne sais même pas si on pourra l'éviter d'ailleurs, mais comment on s'adapte à ça, quoi? Alors, par exemple, concrètement, toi, comment tu interviens sur ce champ de la biodiversité, des milieux naturels, dans ces grands axes que tu as déjà un peu définis tout à l'heure, sachant qu'on est dans, à la fois, malgré tout, dans ce constat un peu alarmiste, et qu'on tend vers, on l'a entendu ce matin aussi, une baisse des ressources en eau, notamment de 20 à 30% d'ici quelques années. Donc, quelles sont un petit peu les priorités, finalement, que vous travaillez? Alors, les milieux ont des capacités à s'adapter. Pour ça, il faut les connaître. Il faut connaître la ressource. Il faut connaître comment fonctionne le cycle de l'eau à une échelle plus locale. Et à partir de là, trouver les solutions qui permettront d'avoir de la résilience. Un des travaux que je mène, c'est un travail autour de l'observation, de la compréhension des mécaniques climatiques à l'échelle d'un bassin versant, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Sentinelle Bioclimatique, sur lequel on fait à la fois de la recherche des mesures physiques, avec des stations météo, des capteurs qui vont permettre de mesurer la température de l'eau, etc. Et aussi des suivis au niveau des milieux naturels et d'espèces parapluies et d'espèces clés. Le croisement de ces données, on travaille avec des chercheurs là-dessus, le croisement de ces données va nous permettre de voir quelles sont les tendances et quelles mesures de gestion on pourrait mettre en œuvre pour conserver ces milieux et le fonctionnement de ces milieux. Quels sont les sites justement et milieux un peu emblématiques du secteur bassin sur lequel tu interviens? Alors le grand site emblématique, c'est le site des Hauts-de-Chaumes, donc les Hauts-de-Chaumes du Forêt, et ensuite donc le bassin versant qui en découle, le bassin versant du Lignon, avec notamment les gorges du Lignon et la plaine du Forêt, au sein duquel s'écoule le Lignon, qui sont des milieux vraiment remarquables et relativement préservés. C'est-à-dire que pour l'heure, ce secteur est plutôt bien préservé. Pour l'heure, ce secteur est plutôt bien préservé. Ça pourrait être un sanctuaire demain, mais ça veut dire qu'il faut aussi prendre en compte différents éléments pour éviter que ce secteur qui potentiellement pourrait être un sanctuaire ne le soit pas parce qu'on aurait pris des mauvaises décisions. Qui pourrait être ? je sais pas, de vouloir prélever encore plus d'eau pour satisfaire encore plus d'usages. Il va falloir trouver des équilibres. Sinon, on va vraiment déséquilibrer les milieux. Et les milieux sont quand même à la source de notre cadre de vie. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le lignon, déjà, est en comment dire, une forme de multi-usage, justement? Et si oui, lesquels? Alors, sur le lignon, il y a multi-usage. Il y a prélèvement d'eau, bien évidemment, pour l'eau potable. Il y a prélèvement d'eau pour les industries. Il y a prélèvement d'eau pour l'agriculture. On va dire que c'est les trois grands champs de prélèvement. Quand on est dans un système de croissance où on augmente les prélèvements sans cesse, ben on met en tension les milieux. Et les dérèglements qui peuvent intervenir sur les milieux peuvent après avoir des conséquences sur les activités et les usages. Est-ce que précisément localement, par exemple, vous observez ou participez à ces conflits d'usage que l'on a entendu aussi à multiples reprises dans d'autres secteurs? Je pense à l'Ardèche qui a été évoqué ce matin en exemple, mais est-ce que c'est le cas, par exemple, localement sur le Forez? Sur le bassin versant, il y a plutôt, on va dire, des gens qui se parlent et s'écoutent, avec des points de vue, des positions différentes, mais il y a quand même un travail de fond qui vise à la satisfaction, à l'équilibre des usages. À terme, comment tu vois un peu aussi l'avenir finalement? Est-ce que, puisqu'on parle de manque d'eau dans un futur plus ou moins proche, est-ce que ce serait le cas pour le lignon qui serait véritablement menacé, sachant que, on l'a entendu, baisse des ressources, que l'eau provient en grande majorité des rivières notamment? Ça a été énoncé aussi ce matin dans les constats. Comment tu vois un peu la situation? Sur le bassin versant du Lignon, on a la chance d'avoir une concentration de tourbières sur les zones d'altitude qui jouent un rôle fondamental dans le stockage et la restitution de l'eau. Des zones humides, éponges, comme ça a été évoqué ce matin, c'est-à-dire qu'à la fois quand il y a beaucoup d'eau, elle absorbe, quand il en manque, elle en relargue. C'est tout à fait ça. Donc ces milieux-là, demain, peuvent rester fonctionnels, puisqu'on observe depuis plusieurs décennies en fait que la quantité de précipitation ne diminue pas, elle reste stable. Enfin, elle est variable, mais c'est relativement stable sur la durée. C'est le régime de précipitation qui change, c'est-à-dire qu'on a des pluies plus intenses et des sécheresses plus fortes. Si ces zones restent fonctionnelles, les pluies intenses, elles peuvent les absorber et restituer en période sèche, donc maintenir de l'eau. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, sur les périodes plus sèches, il faudra peut-être revoir comment on utilise l'eau pour éviter que cette eau elle sorte des rivières et elle maintienne les cycles naturels. Voilà, Frédéric Marteille à l'instant, coordinateur biodiversité milieu naturel à Loire-Forêt agglomération, rencontré, interviewé lors de ce forum départemental Partageau qui se tenait le 16 novembre dernier à l'hippodrome de Saint-Galmier. Un petit retour pour vous faire part de l'actualité au-delà de ce forum sur lequel nous reviendrons encore ultérieurement. L'actualité en termes de rendez-vous, je le disais, le collectif Partageau mène de nombreux événements pour sensibiliser, échanger, réfléchir à cette question de l'usage de l'eau et de sa répartition. Alors tout un programme et une programmation d'événements prévus sur cette saison 2024-2025. Il y aura par exemple ce samedi 30 novembre lancement en termes d'agenda avec le collectif Partageau, la Bulle Verte et l'association Graines qui organisent une matinée de formation pour apprendre les fondamentaux sur la gestion de l'eau au jardin, animé par Marc Rivoire. Ça va se passer au tiers-lieu du Treuil, qui est situé chemin du Treuil, au 148 chemin du Treuil, sur la commune de Chambœuf, dans la plaine du Forêt. N'hésitez pas donc à suivre ce temps de formation de 9 à 12 heures ce samedi 30 novembre. Vous pouvez vous adresser auprès de l'association Graines, contact@association-graines.fr. Et puis d'autres rendez-vous à venir, pour exemple en cette fin d'année, le 11 décembre prochain, il sera question de rivière justement. La rivière, c'est un film de Dominique Marchais et qui sera projeté au cinéma VO Grand Lumière de Saint-Chamond. Voilà, à 20h15. Et puis d'autres rendez-vous encore sur 2025. Et pour exemple, Samuel Bonvoisin, spécialiste de l'hydrologie régénérative, qui est intervenu le 16 novembre dernier lors de ce forum départemental et que nous avons aussi rencontré et interviewé et que je vous proposerai en écoute très prochainement, interviendra à nouveau dans la région. Ce sera le 20 28 mars prochain du côté de Saint-Chamond à nouveau avec le collectif Partage Eau et Si on pouvait cultiver l'eau, une conférence qu'il donnera à 19h30 le 28 mars prochain. Vous avez toutes les infos sur le collectif Partage Eau et ce programme d'événements via l'adresse suivante et les réseaux, notamment Facebook ou Instagram, les amis du Treuil. Le site, pour exemple, c'est letreuil, tout accroché en minuscule, .wordpress.com, letreuil.wordpress.com/partage-au-calendrier-2024, et vous retrouverez tout cela en ligne. Alors quelques infos rapidement avant de retrouver notre dernier sujet. De rivière, il est encore question avec le Furan. Et oui, notre rivière locale, celle qui traverse notre ville. Vous savez que c'est une exposition actuellement dont je vous ai déjà parlé. Découvrir le Furan, héritage d'une rivière industrialisée. C'est une expo que vous pouvez apprécier à l'école d'architecture de Saint-Étienne, quartier Jacquard, rue Buisson, bien entendu, qui est visible salle d'expo de l'école d'archi jusqu'au 15 décembre prochain. Et puisque nous avons évoqué le Treuil, vous rappelez cette autre initiative qui va se tenir cette fin de semaine, toujours au Treuil. Nous avons parlé de ce temps de formation autour de l'eau le matin. Eh bien, l'après-midi, à partir de 16h, c'est une projection débat qui va être organisé par le Treuil en collaboration avec le syndicat des travailleuses de la terre et de l'environnement et l'union locale CNT de la Loire. Projection débat, fruits amers, l'exploitation des saisonniers agricoles. C'est ce samedi 30 novembre à 16h, toujours au Treuil à Chambœuf. Et puis pour faire transition, sans vilain jeu de mots avec notre sujet à suivre, eh bien voilà un film, un projet qui est entre critique sociale et poème urbain. C'est La caméra de Julien Heurtier, réalisateur local qui suit les eaux de Rio de Janeiro, ces eaux qui coulent, ces corps qui transpirent et ces parcours de vie d'artistes afro qui militent pour une société plus juste. Depuis les sources du haut des favelas, les orishas, ces divinités des rites afro-béziliens, vont vous conduire tout en douceur jusqu'à l'océan, entre vie quotidienne, rituels et performances de rue. As Aquas que Correm, ces eaux qui coulent, c'est un film de Julien Heurtier qui sera projeté, notez d'ores et déjà le rendez-vous, semaine prochaine, vendredi 6 décembre à 17h30 à la médiathèque de Saint-Just-Saint-Rambert. Au Brésil, nous allons y aller directement, tout en faisant lien avec notre rivière locale, le Lignon, parce que le Lignon fait la force. Et oui, pourquoi pas, Lignon fait la force et le Forestival s'est tenu cet été. Nous étions présents, avons couvert l'événement et avons rencontré une de ces formations programmées dans le cadre de ce Forestival 2024. Il s'agit de la formation du brass band franco-brésilien Technobrass qui s'est produit cet été au Forestival. Alors l'occasion eh bien, de vous proposer une partie de cette rencontre interview, alors que le Forestival vient de révéler son affiche de son édition 2025, la 19e édition du Forestival qui se déroulera les 1er, 2 et 3 août prochains, signé par les studios Rafale pour le visuel donc et l'affiche, avant des éléments de programmation qui vont être révélés là aussi dans quelques jours, ce sera en début de ce mois de décembre. Le Forestival qui fait encore l'actualité parce que eh bien, vous le savez, le Forestival, ce sont deux pôles principaux. Un pôle production de concerts et organisation d'événements culturels, dont le Forestival fait partie. Des concerts comme au fil, par exemple, ce sera le cas le 13 décembre prochain avec Rounia. Mais c'est aussi un autre pôle, un pôle booking et de production de tournées avec plus de 50 artistes répartis sur différents rosters, comme l'on dit, Face B ou NMB Booking, et qui justement vient de lancer des appels d'offres d'emploi. Et oui, le Forestival recrute une responsable ou un responsable de production en CDI, un ou une assistante de production en alternance, ainsi qu'un assistant ou assistante de communication, plus spécifiquement sur le Forestival. Et oui, vous avez toutes les infos sur fzlprod.com. Vous allez dans recrutement et vous aurez ces infos et annonces emploi, pour exemple. Bref, le Forestival avant 2025, nos retours sur 2024, c'est le sujet pour terminer ce programme. À la rencontre de Technobrass, rencontré cet été. C'est dans des mots, des sons sensibles. je m'appelle Alejandro, je joue de saxophone en technobrass, saxophone ténor. Voilà. Salut, moi c'est Tom et je fais du sous-bassophone. Bonjour, je suis Gabriel, je joue la percussion. Bonjour, je suis Marcelo et je joue la grosse casse percu. Alors vous êtes tous les quatre représentants aujourd'hui, mais pour une formation qui compte combien de musiciens, musiciennes, d'instruments? On est 7 sur scène, 2 percussions et 5 cuivres. Du coup, ici, il manque des bombardines, trompettes et trombones, et voilà. Et alors, pour revenir un petit peu sur la genèse du projet, parce que en ce qui me concerne, c'est une totale découverte. Hein, je ne connaissais pas Technobrass, que j'ai connu là juste à quelques jours d'ouverture du festival, justement, démarché tout à fait professionnellement par vos services presse et autres qui nous ont contactés pour présenter un EP existant et disponible, qu'on a pu diffuser et présenter déjà sur notre antenne. Mais auparavant, je ne connaissais pas Technobrass. Alors, quel est donc ce projet et quelle en est son origine, sa genèse, comment vous êtes rencontrés, avez constitué et formé le projet? On s'est rencontrés à Rio de Janeiro en 2016. Et là, on a commencé à jouer. On avait fait de festivals à Rio, de festivals au Brésil. En 2019, on a parti ici en France, la première tournée. Et c'est déjà la quatrième fois quatrième tournée qu'on fait en France. Et aujourd'hui, c'est spécial parce que c'est le dernier concert de cette tournée 2024. Avant de rentrer au Brésil? Exactement, exactement. Et au Brésil, en septembre, on en tournée dans différentes villes de pays. Ouais. Alors, vous ne semblez pas être tous brésiliens, si je ne me trompe. Est-ce que c'est le cas pour les autres membres aussi? Là, vous êtes quatre, même si la plupart semblent peut-être bien brésiliens, mais vous n'êtes peut-être pas tous et toutes. Alors justement, là aussi, quelle configuration originelle? Bah dans le groupe, ouais, il y a aujourd'hui 3 Français, 1 Argentin et 3 Brésiliens. Et comment ça se fait, on va dire, comment ça se fait qu'on se retrouve? En fait, le groupe, on s'est rencontrés à Rio en 2016, comme il disait, on joue ensemble. Clément, qui est au trombone aussi, qui est français, habite au Brésil, et moi j'habitais au Brésil, et j'y habite un peu moins maintenant depuis la pandémie, mais du coup le groupe est un peu éparpillé aujourd'hui sur le territoire, enfin sur le monde, quoi, mais on se retrouve souvent les étés pour faire des tournées estivales. Là, c'est la quatrième cette année, et après ça retourne au Brésil en septembre, et on va jouer au Japon en octobre. Donc il y a un agenda qui est déjà bien occupé pour la fin de l'année déjà. Et du coup, au Brésil aussi, c'est la tournée de lancement d'album. Là, cette tournée-là, c'est la tournée de lancement de cette EP, et on le lance aussi au Brésil. Du coup, c'est vrai qu'il y a ces deux fronts, quoi. Cette actualité, quoi, que vous saisissez pour aussi le défendre sur scène et le faire connaître, bien sûr. Mais quel était, alors ça fait quand même presque une dizaine d'années, hein, finalement, que vous travaillez ensemble. 2016, ça fait à peu près ça. Mais en ce qui vous concerne, je parle d'activité artistique, vous étiez déjà sur des projets précédents ou des projets parallèles, peut-être, que vous continuez de mener, puisque vous semblez ne vous retrouver que pour les vacances d'été. Est-ce qu'il y a d'autres activités par ailleurs? Enfin voilà, quel est un petit peu le profil, les profils? Oui, il y a quelques intérêts de groupe. La majorité, je pense qu'il y a des projets à côté. Par exemple, là, on reste tout l'été en France, en Europe. Et après, quand on rentre à Rio, des autres musiciens, il y a des projets à côté. Et voilà. Mais on travaille avec la musique. Les projets aussi communs, comment on s'est rencontrés. C'est vrai que, par exemple, aller y jouer avec Clément avant dans un groupe de... C'était Ska Jazz. Ouais, et aller, il vient plus du jazz. Et Marcelé et Gabriel, je les ai rencontrés aussi via l'univers de la fanfare et de la musique de rue aussi. On jouait dans différents projets. Et d'ailleurs, il y a des projets encore en parallèle dans lesquels on a joué, comme l'Orchestra Voadora, qui est, où on est des intégrants, ou alors d'autres projets de musique instrumentale. Gabriel, il joue dans plein de projets aussi de jazz, de musique MPB, musique actuelle. Et c'est, c'est cet univers un peu vraiment carioca de Rio qui nous a fait nous rencontrer. On jouait tous beaucoup dans la rue quand même, c'est ça le point un peu de... Et on a commencé à vite jouer dans des fêtes, et jouer sur scène, et à trouver un tourneur et jouer en France. Passer beaucoup plus de temps en France, maintenant à jouer plus en France, et là on retourne au Brésil pour lancer l'EP. Pour la première fois on va faire une tournée au Brésil, alors qu'on a déjà dû faire... on a fait beaucoup de tournées en Europe. Ouais. Oui, c'est assez étonnant ça. Comment peut-être vous l'expliquer ? Après c'est un point de vue, mais c'est aussi une réalité du marché en fait, c'est qu'en France il y a beaucoup plus de festivals, il y a beaucoup plus de subventions. Simplement, on a quand même l'intermittence et on a un système qui favorise énormément en fait quand même la musique, les arts vivants en général. Et au Brésil, c'est pas le cas. Et au Brésil, ce qui tourne souvent, c'est les grosses têtes d'affiche, ou c'est la culture plus pop. La musique instrumentale, ça reste quand même plus underground, ça reste plus en dessous, c'est moins valorisé, quoi. Sans chanteur, sans parole, quoi. Donc, un marché aussi. En fait, le pays est 18 fois plus grand que la France, mais il y a moins de festivals qu'en France. Il y a moins de tourneurs, il y a moins de... Le marché est moins développé, quoi. C'est beaucoup plus difficile de vivre de la musique au Brésil. Ce qui est étonnant, parce que la musique, on associe le Brésil énormément aussi à cette activité artistique et musicale importante. Finalement, il n'y a pas de politique culturelle qui semble encore très développée et mise en place pour pouvoir véritablement accompagner, tel qu'on a pu le voir en France. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est d'ailleurs peut-être discutable, hein, c'est peut-être pas toujours un atout. Enfin, en tout cas, on peut vivre de son métier peut-être plus facilement ici, effectivement, mais c'est assez étonnant qu'il n'y ait pas eu ces politiques culturelles aussi artistiques développées. Mais bon, peut-être, comme vous le savez, on sort de l'ère Bolsonaro, où en fait, il n'y a tout simplement plus eu de ministère de la Culture pendant 4 ans. Donc là, c'était vraiment on a presque touché le fond, on va dire, en termes de politique culturelle et tout. Et tout l'argent avait été redirectionné vers le sport ou vers d'autres... Et là, Lula est revenu, on a de nouveau de l'argent qui est directionné vers la culture, mais même, malgré tout, c'est quand même pas facile d'en vivre. Il y a ce qu'on appelle là-bas des éditales, ces sortes d'appels à projets, qui permettent en fait aux artistes de vivre, de faire de la recherche, de développer des projets artistiques, quoi, nous, on n'a pas vraiment bénéficié non plus de ces aides-là, mais on pourrait aussi le demander, quoi. C'est-à-dire que là-bas, on fait plus des demandes, on souscrit à des éditales, comme on dit. C'est aussi un travail que beaucoup d'artistes brésiliens en fait font pour vivre aussi de leur art, parce que c'est pas toujours évident de le vendre. On pourrait presque penser que finalement la culture est plus dépendante d'une politique ou d'un volet social finalement qu'artistique pur, non ? Ah oui, ça c'est évident, oui. On pourrait pas dire qu'il y a plus ou moins de talent en France ou au Brésil. Je pense qu'il y a énormément d'artistes partout, mais c'est clairement le terrain, quoi, l'environnement direct qui fait qu'elle s'exprime, ou qu'au contraire, au Brésil, ça a été vraiment hyper difficile pour énormément d'artistes, énormément de salles en fait qui ont fermé, de théâtres, de lieux de culture, tout simplement, quoi, qui ont mis la clé sous la porte alors que c'était déjà pas évident. Donc, je pensais beaucoup plus le contexte. Et là, est-ce qu'on pourrait dire que ça s'améliore ? Ouais, ça s'améliore. C'est pas la panacée, mais bon, déjà, par rapport à ce que c'était, c'est mieux. Mais est-ce que c'est suffisant ? Certainement pas, mais en tout cas, c'est un chemin, on va dire, avec Lula qui est de retour, on va dire. Ouais. Donc de l'espoir, en tout cas. Plutôt. Hein ? Ouais. peut-être pour revenir sur Technobras et votre formation. Alors justement, cette formation-là, elle, comme votre nom l'indique, elle brasse quel type véritablement de musique ? Parce que là aussi, la musique brésilienne, il y a des marqueurs comme ça, hein, assez évidents. Enfin, nous, on a des références forcément ici de hautes figures et grandes figures brésiliennes ou latino. Voilà, on pense à Gilberto, on pense à Seu Jorge peut-être plus récemment, alors qu'on sait très bien qu'il y a une musique, je ne sais pas, que ce soit le foro, que ce soit... Voilà, on associe, nous, forcément, un petit peu le Brésil peut-être à cette tendance-là. Musique aussi actuelle, hein, et urbaine, hip-hop, etc. Mais alors vous brassez quel registre pour sortir justement peut-être nous de nos un peu stéréotypes peut-être et de préjugés ou de références un peu évidentes comme ça? En fait, on joue un genre de musique, c'est la musique électro-techno, il y a des éléments des musiques brésiliennes, par exemple la percussion, par exemple il y a des mélodies qui ressemblent au foro, mais voilà, c'est une autre influence du Brésil vraiment, mais les styles c'est vraiment des musiques électro et techno avec des cuivres et des percussions. Bon, ouais, on joue, c'est ça, de la techno, des autres genres, EDM, house, avec notre interprétation, et les éléments brésiliens sont subtils, sont très subtils, sont... Tu ne peux pas avoir... C'est pas plus mélodique, c'est plus rythmique. Les baillants et tout ça, et les rythmes des africaines, quoi. Sur le coche et tout ça, les trappes jongo. Ouais, c'est un mélange, le rythme c'est plus fort, le brésilien et tout ça, la clave et tout ça. Et ouais, notre son, notre morceau en fait, il vient de jams qui vient de fêtes de la rue, et après on fait le travail dans le studio pour couper les morceaux et tout ça, et travailler là. Et c'est comme ça qu'on fait notre morceau, c'est de là qu'il vient. Ouais, pour rajouter aussi, comme ils disent bien, des petites, on ressent des touches subtiles dans la percussion, et comme style clairement aussi instrumental, et qui se rapproche des musiques répétitives et des moments un peu plus tribal aussi, du travail sur les textures. Alors justement, sur les textures, alors vous donnez cette référence techno dans l'intitulé même de votre projet, mais en fait, là on a entendu sous-bassophone, saxophone, percussion, donc on est sur des instruments plutôt, je sais pas comment on dit d'ailleurs, acoustiques. Alors le côté techno, il vient par le beat, par la pulsation, mais est-ce qu'il y a véritablement des machines dans Technobras? Si vous voulez aussi présenter cette façon de travailler, comment vous mixez justement à la fois acoustique et machine électronique, hein, on va dire, voilà. En fait, on a deux formats différents. Le premier, on peut jouer, comment c'est dit, en acoustique, oui. Du coup, il y a des genres de mélodies ou des genres de rythmes qu'on fait qui ressemblent à la musique techno, mais acoustique. Mais sur scène, on a des éléments en machine, comme vous avez dit. On a un SPD, on a de backing track, on a des effets qu'on utilise sur scène, et ça donne un concert vraiment différent à jouer en acoustique. Ouais, il y a beaucoup plus de profondeur en fait, il y a un petit monotron, et puis les percus sont triggés aussi, donc c'est-à-dire que les sons du kick qui sont tous travaillés en fonction des morceaux. Sur le SPD, on a pas mal de textures et d'effets, et aussi l'ingé son en fait a tout un travail à la façade où il envoie beaucoup de delay, de reverb, et il joue avec on a un petit backing track derrière qui en fonction des sons de système est plus ou moins utilisé pour donner vraiment de la profondeur au son, et voilà, il y a tous les effets qui rentrent en jeu.